100k battle. Yeah. Ok. Scream. Ok. Toujours à parler de ma vie, vie de la vie des autres. Je représente les potos, toto, tout les tolotola, tout les tototoka. Et j'ambiance sur ma ville, mon son débarque dans tes enceintes comme une bababababab dans ta face. Je fais les faces qu'il faut, face de flow, flow en place. Qui tabasse, agace tous les détracteurs pour eux. Nini nique ta race, un gros doigt dans leur cul. Pour les baisers, je tue. Qui sait peut-être qu'il peut plus tard, je ferai des tubes. J'espère que je ferai des thunes. Des disques d'or pour la mettre bien profond. Aux fils de pute qu'ont toujours espéré ma chute. Donnez-moi un beat que je le plie, donnez-moi un mic que je te monte. Donne-moi une feuille que je te la froisse en 2-4 secondes. Je rappe pour les mecs qu'on la dalle, pour les mecs qui squattent les halles, pour les mecs qui lâchent rien comme Milo, Raphaël Nadal. Pour les mecs j'écris les rimes de barge de mon vécu. J'espère vous toucher mon but, visez les cœurs et pop pop émotion. Yeah, yeah. J'ai un seul but quand je rappe, un seul but quand je prends le mic, un seul but quand je gratte. C'est de tout niquer, tout niquer. Faire tourner mon rap comme une pute, comme un tourniquet. Yeah, j'ai un seul but quand je rappe, un seul but quand je prends le mic, un seul but quand je gratte. C'est de tout niquer, tout niquer. Faire tourner mon rap comme une pute, comme un tourniquet. J'avance dans le rap musique, je fais mes armes, j'affûte le style et le stylo. J'ai fait mon choix entre le rap et le bédo, entre le beat et les kilos. Drogué à la musique, si je pouvais rouler des splits de rap français, t'inquiète, je le ferais. Je suis comme un autre gars gamin, je rêve d'oser du matin. La seule différence, c'est que ces cons sont rarement à jeun. Dans nos têtes, c'est la merde, dans les poches, c'est la dèche, dans les têtes, c'est la guerre. La jeunesse se sent brouillée par en couille. Bataille à cause de pute ou de caille. On aime un flic que si son corps est criblé de balles, hein. On passe nos soirées des défoncés au shit et au collal. On n'est pas des exemples, on en a rien à foutre. Foutre fou le doigt dans le bus, ce texte de fou, c'est tu jalouse. Les bâtons dans les roues rouges, je monte à ta pédale. Débarque avec un flow, un faute, bâtard. Je décris ma vie petit à petit, de mieux en mieux. Je progresse et représente ma ville. J'ai un seul but quand je rappe, un seul but quand je prends le mic, un seul but quand je gratte. C'est de tout niquer, tout niquer. Faire tourner mon rap comme une pute, comme un tourniquet. Yeah, j'ai un seul but quand je rappe, un seul but quand je prends le mic, un seul but quand je gratte. C'est de tout niquer, tout niquer. Faire tourner mon rap comme une pute, comme un tourniquet. Yeah. Voilà un son de malade pour l'été, si. Voilà un son de malade, reste précis. Et je me balade sur l'instru comme Messi. J'débarque avec un nouveau style. Le micro, je l'arrache, au micro, j'ai la rage, j'ai la pêche, j'ai la dalle dans mon corps, j'ai la balle, c'est de la balle. Je fais ce que je veux avec mes cordes vocales, hein. Le micro, je l'arrache, au micro, j'ai la rage, j'ai la pêche, j'ai la dalle dans mon corps, j'ai la balle, c'est de la balle. Je fais ce que je veux, grosse pédale. Yeah, voilà un son de malade pour l'été, si. Voilà un son de malade, reste précis. Et je me balade sur l'instru comme Messi. Débarque avec un nouveau style. Le micro je l'arrache, au micro j'ai la rage, j'ai la pêche, j'ai la dalle dans mon corps, j'ai la balle, c'est de la balle. Je fais ce que je veux avec mes cordes vocales, hein. Le micro je l'arrache, au micro j'ai la rage, j'ai la pêche, j'ai la dalle dans mon corps, j'ai la balle, c'est de la balle. Je fais ce que je veux, grosse pédale. Yeah. J'ai un seul but quand je rappe, un seul but quand je prends le mic, un seul but quand je gratte. C'est de tout niquer, tout niquer. Faire tourner mon rap comme une pute, comme un tourniquet. Yeah. J'ai un seul but quand je rappe, un seul but quand je prends le mic, un seul but quand je gratte. C'est de tout niquer, tout niquer. Faire tourner mon rap comme une pute, comme un tourniquet. Yeah. Scream. Yeah. Ok. Ok.